Le chat du rabbin de Johann Svar, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Premier épisode, la bar mitzvah. Chez les juifs, on n'aime pas trop les chiens. Un chien, ça mord, ça vous court après et ça aboie. Ça fait tellement longtemps que les juifs se font mordre, courir après ou aboyer dessus que finalement ils préfèrent les chats. Enfin, pour les autres juifs, je sais pas, mais mon maître, lui, il dit ça. Je suis le chat du rabbin. Quand il lit, je prends garde à ne pas le déranger. Ah, mais alors, allons. Ah, mais pousse-toi. Le rabbin non plus ne me dérange pas quand je fais des choses. Quand il y aura une queue, non. Il dit qu'il faut respecter mon libre arbitre. Mais je t'ai déjà dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ah, ce chat est vraiment impossible. Moi, j'écoute pas. Je suis absolument libre. Mon maître pourrait me coller des baffes, mais... Mais la main humaine est un outil trop subtil pour qu'on tape sur les gens ou sur les chats avec. Dans la maison du rabbin, il y a un perroquet. Je l'aime pas. Il est trop bruyant. Pour le faire taire, on lui met un châle sur la tête. Il croit que c'est la nuit. Et il dort. Moi, la nuit, je dors pas. Je vis toutes sortes d'aventures sur les toits. Salut. Ma maîtresse, elle s'appelle Zlabia. C'est la fille du rabbin. Et son nom évoque une pâtisserie au miel. Viens dans mes bras, petit coquin. Elle adore s'occuper de moi. Si les chats pouvaient parler, je suis sûre qu'ils raconteraient des choses incroyables. Et toi, si tu pouvais te taire, ça nous ferait des vacances. Les richesses du monde devraient être mieux réparties. Cet oiseau parle sans cesse alors qu'il n'a rien à raconter. Et ce chat qui passe ses nuits dehors reste toujours muet. C'est mieux comme ça, ma fille. Je sais peut-être pas parler, mais je sais écouter. Quand ma maîtresse me caresse, je l'écoute pendant des heures. Je lui lance des regards profonds pour qu'elle sache que je la comprends. Parfois aussi, je ferme les yeux pour lui montrer à quel point je me sens bien avec elle. Ah, ce perroquet, il me fatigue. Ah, et voilà, je l'ai mangé. Maintenant, je sais parler. Y'a là le moussiba, le perroquet. Il est parti, il avait une course urgente, il a dit que c'était pas la peine de l'attendre à dîner pour ce soir. Zlabia, ma fille, c'est un miracle, le chat parle. Papa, mais c'est merveilleux. Oui, mais il y a aussi un grand malheur. Quoi, papa? Il ne dit que des mensonges. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute si le perroquet s'est taillé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? La vérité, la parole sert à dire le monde, pas à le falsifier, shaitan. Bah, peut-être, mais moi j'ai pas bouffé le perroquet. Et ses plumes, dans ta gueule? Hein, Caïn, tu mens. Et alors, papa, même s'il ment, si grave. C'est terrible, ma fille. Ma foi, dit Julien, qui veut la fin, veut les moyens. Si au lieu d'être un atome, j'avais quelques pouvoirs, je ferais pendre 3 hommes. Pour sauver la vie à 4. Depuis que j'ai la parole, le rabbin ne veut plus me laisser seul avec ma maîtresse. Ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des 20 jugements des hommes. Ils rencontrèrent ceux de Mademoiselle de la Mole, tout près de lui. Il a peur que je lui mette des mauvaises idées en tête. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Allez, viens par ici. Hé, doucement. Voici les préceptes et les sentences que vous veillerez à mettre en pratique. Dans le pays que Yahvé, Dieu de tes pères, t'a donné. Pour le posséder. Il veut me faire étudier la Torah, le Talmud, la Mishnah, la Gemara. Il veut me remettre dans le droit chemin. Tu dois être un bon juif, et un bon juif ne ment pas. Oui, mais je ne suis qu'un chat. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je suis un chat juif ou non juif. Bien sûr, tu es juif. Puisque tes maîtres le sont. Mais je ne suis pas circoncis. Mais les chats, on ne les circoncit pas. Et j'ai pas fait ma bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est à 13 ans révolu. Oui, mais moi j'ai 7 ans. Et chez les chats, les années sont septuples. Donc oui, c'est comme si j'avais 7 fois 7 ans. Ce qui fait bien plus que 13 ans. Donc si je suis un chat juif, je veux faire ma bar mitzvah. Quoi? Qu'est-ce... J'ai très bien compris, maître. Ouf. Non, la bar mitzvah, c'est pas fait pour les chats. Nous avons décidé d'aller chez le rabbin du rabbin pour lui demander si un chat qui parle peut faire sa bar mitzvah. Quelle est la différence entre un humain et un chat? Dieu a fait l'homme à son image. Ah, alors montre-moi une image de Dieu. Dieu, c'est une parole. Donc si l'homme est semblable à Dieu parce qu'il sait parler, moi je suis semblable à l'homme. Non, parce que ta parole est mauvaise. Tu l'as acquise dans un acte de mort. C'est pas vrai, je l'ai pas mangé ce perroquet. Et en plus de ça, tu es un menteur. Ah, bah avec la parole, on peut dire ce qu'on veut, même des choses qui sont pas vraies. C'est merveilleux comme pouvoir, tu devrais essayer. Mon ami, tu ferais mieux de noyer cette bête infernale. Mais il n'aime pas l'eau. Et moi, je l'aime, ce chat. Écoute-moi. Je suis Dieu. Oui, absolument, oui. Et j'ai pris l'apparence d'un chat pour t'éprouver. Quoi? Je ne suis pas, mais alors, pas du tout satisfait de ta conduite. Tu t'es montré avec moi aussi dogmatique et obtus que certains chrétiens le sont. Avec les juifs. Oh, mon Seigneur. Adonai, pardonnez-moi. Bah, allez, lève-toi, c'est une blague. Je déconne, je sais pas. Je suis qu'un chat, je suis pas Dieu. Tu blasphèmes et tu manges. Tu oses usurper le nom de Dieu. On devrait te noyer. Mais maître, est-ce qu'un rabbin ne doit pas systématiquement accepter la contradiction de ses élèves? N'est-ce pas le principe même de l'enseignement talmudique? La contradiction, oui. La malignité, la malveillance, non. Ça, c'est sûr. Les élèves doivent mordre leur maître comme feraient de jeunes chiens. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison-là? Dans la tradition juive, le chien est un bon animal, car il est franc et opiniâtre, et prêt à endurer des souffrances pour le bien général. Alors que les chats... On ne peut pas faire confiance à un chat. Tu parles, oui, un chien c'est solaire, univoque, moraliste, masculin, ça sent le cul de tout le monde, c'est merdique. Cite-moi le texte biblique où figure cet éloge des chiens. Eh bien, Je suis nocturne, imprévisible, profondément éthique. Il provient de la Torah orale, qui n'a pas été entièrement retranscrite. En matière de loi, c'est l'esprit qui compte, pas la lettre. Sais-tu que les Grecs voyaient dans le chien l'animal philosophe par excellence? Le chien, pas le chat. Les Grecs ont détruit le temple de Jérusalem. Si un rabbin en arrive à les appeler au secours, c'est qu'il doit sérieusement manquer d'arguments. Mais la Torah parle plus des humains que des chiens ou des chats. Ta question n'a vraiment aucun intérêt. Bon, ça suffit! Je veux faire ma bar mitzvah, je veux me convertir au judaïsme. Pourquoi veux-tu te convertir? Si je suis un bon juif, le rabbin acceptera que je fréquente sa fille. C'est ma maîtresse. Sans elle, je ne peux pas vivre. Elle est toute ma joie. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Tes motivations ne sont pas bonnes. Ton amour de Dieu n'est pas sincère. Mais je ne lui ai jamais parlé d'amour de Dieu, moi. Pour devenir juif, il faut craindre Dieu, se mettre sous sa protection et le chérir. Le juif doit voir en toute chose la présence de Dieu. Le seul fait de penser à Dieu suffit à ensoleiller les plus grises de ses journées, et l'amour de Dieu doit être vécu d'une manière presque charnelle. C'est un amour intellectuel, bien sûr, mais On doit toujours se sentir bercé dans les bras de ce maître invincible, miséricordieux et juste. Mmh. Non, mais c'est exactement ce que je ressens pour ma maîtresse. Tu n'es qu'un animal qui marche à quatre pattes au ras du sol. Tu n'es pas capable de te hausser jusqu'à l'amour de Dieu. Tu n'es fait que pour des amours séculaires et imparfaites. Mais ma maîtresse est vraie, elle... Seul Dieu est vrai. Dieu n'est qu'un simulacre qui te rassure. Tu es vieux, tes parents sont morts, tu n'as personne pour s'occuper de toi, alors que moi j'ai ma maîtresse, et je ne serai jamais seul parce que je vais mourir avant elle. Ça suffit! Allez-vous-en! Tu m'en veux? Bah, écoute, je sais que c'est ton maître et que tu l'aimes, mais je viens de te prouver qu'il n'est pas omniscient. Oh. Écoute, je suis même sûr que t'es en train de comprendre que malgré tout le respect que t'as pour lui, il est moins intelligent que toi. Oh. Au fond, tu sais quoi? T'as plus de maître. Oh. Mais ça, tu veux pas le reconnaître, parce que tu veux pas te retrouver vieux et seul et sans personne vers qui te retourner quand tu comprendras rien. C'est bien ça. Alors tu vas tout faire pour l'excuser. Et plus tu diras des bêtises, et plus tu l'approuveras en l'appelant mon maître, mon maître, mon maître, mon maître, afin de mieux te convaincre toi-même. Pourquoi es-tu aussi dur? J'essaie juste de te dire la vérité, pour voir ce que ça fait. Tu es une mauvaise bête. Tu mens quand il ne faut pas, et tu dis la vérité uniquement quand elle fait de la peine. Ouais, moi aussi j'ai de la peine, hein, depuis que j'ai la parole. Quand j'étais muet, je pouvais passer mes journées à me faire cajoler. Maintenant, je dois me creuser la tête pour trouver un moyen de revoir ma maîtresse. Je serai prêt à tout pour cela. Arrête ! Je vois bien que tu fais semblant. Une fois qu'on est sorti du jardin d'Éden, on ne peut pas y retourner. C'est comme ça. Si ton rabbin ne veut pas me faire faire ma bar mitzvah, alors il faut trouver un autre rabbin. Aucun rabbin sans esprit n'acceptera d'instruire un chat dans les préceptes de la loi, voyons. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Là, ce maquereau là. Il te plaît? Oui, il est quand même. Voilà. Combien? Tiens, oui, mange avez... ça. On n'a qu'à trouver un rabbin fou. Un rabbin fou? Mais j'en connais pas. Si tu m'aimes, alors c'est toi qui dois m'enseigner les préceptes de la loi mosaïque. Apprends-moi la Torah, s'il te plaît. Après, tu décideras si oui ou non je suis apte à passer ma bar mitzvah. C'est trop de responsabilité. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, c'est pas vrai. Tête de mule. La Bia, ma fille. Mais qu'est-ce que tu as? C'est mon chat, papa. Je suis si triste de plus pouvoir le serrer dans mes bras. Oh. Il te manque tant que ça. Si tu savais. Allons. Allons, allons. Comment va-t-on s'y prendre? Je veux apprendre la Kabbale. Mais non, voyons. Il faut commencer par le commencement. Pour pouvoir étudier la Kabbale, il faut avoir au moins 50 ans. Et toi, tu n'en as que 7. 7 fois 7, 49. Oui, 49, c'est pas 50. Allez, descends de cette étagère, bourricot. C'est pas vrai qu'il faut être vieux pour étudier la Kabbale, c'est juste un truc de vieux talmudistes pour éviter que la doctrine mystique ne leur fasse concurrence. De tu sais ça, toi? Je l'ai lu. Et depuis quand sais-tu lire? Depuis toujours, j'ai appris en même temps que ta fille, mais avant tu pouvais pas le savoir parce que j'étais muet. Alors tu m'apprends la Kabbale? Pourquoi la Kabbale? Mais parce que j'aime commencer par la fin. Non, avec moi on apprend les choses dans l'ordre, tu feras comme je dis. Bon. Le monde fut créé par Dieu en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières. Tu te fiches de moi là? Mais non, c'est la vérité. Non mais c'est ridicule. Voyons, avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Le carbone 14 peut se tromper. C'est peut-être le déluge du temps de Noé qui a usé le sol de la planète et qui lui donne l'ère plus vieille. Oh, mais même un chaton qui vient de naître ne croirait pas à ses sornettes. C'est ce que m'a enseigné mon maître. Oui, bah ton maître, tu sais très bien ce que j'en pense. Peut-être que Les années n'ont de sens que si les hommes sont là pour les compter. Peut-être que 5700 ans, c'est la date du premier calendrier. Oui, ça semble déjà un peu plus crédible. Mais Adam et Ève étaient les premiers hommes. C'est un symbole. Non, c'est la vérité. Ils sont notre père et notre mère à tous. J'ai fait du thé. Vous en voulez ? Bon, c'est une jolie idée d'imaginer que toute l'humanité forme une grande famille, mais quand même, ce n'est qu'un symbole. Chez les juifs, les symboles, les allégories, tout ça n'existe pas. L'enseignement juif procède par analogie. Toi, tu refuses d'y entrer parce que tu l'as vu embrouillé par le logos occidental. La pensée occidentale n'est qu'une machine prédatrice et destructrice. Elle met des noms sur les choses, des étiquettes, pour mieux se les approprier. Mais le temps de nommer une chose, elle a déjà changé. Et le nom qu'on lui a donné ne la définit plus exactement. On se retrouve alors avec des mots vides dans la bouche. Travaillez bien. L'occidental veut résoudre le monde, faire du 1 avec du multiple. Mais ce n'est qu'à l'heure. Mais, maître, est-ce que le judaïsme ne cherche pas lui aussi à faire du 1 avec du multiple ? Oui, mais pas de la même manière. Le logos, c'est thèse, antithèse, synthèse. Alors que le judaïsme, c'est thèse, antithèse, antithèse, antithèse, antithèse, antithèse. Oui, j'ai compris. Je me sens un petit peu coupable vis-à-vis de mon maître. L'autre jour, quand j'ai laissé le rabbin du rabbin se ridiculiser parce qu'il trouvait pas de citation biblique favorable au chien, j'ai été fourbe. Car moi, je connais un passage qui fait l'éloge des chiens. Qu'est-ce que tu manigances encore, toi, à tourner autour de moi comme ça ? Dans Exode 11, verset 7, il est écrit « Pas un chien n'aboiera ». Par cette phrase, le chien se fait solidaire de la libération des Juifs d'Égypte. Tu en sais des choses, mais tu es bien coupable d'avoir dissimulé ton savoir au moment où il te desservait. Tu m'en veux ? Hein ? Bah, t'en fais une de ces têtes. Non, c'est que... Moi aussi, j'ai une confidence à te faire. Quand mon maître cherchait un passage en faveur des chiens, moi, je pensais à Exode, chapitre 22, verset 30. « Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de la chair d'un animal déchiqueté dans les champs, ou vous l'abandonnerez au chien. » Eh oui, ce passage place le chien au rang d'élément sauvage, dont l'humanité doit se départir. C'est un passage contre les chiens. J'aurais pu le citer pour contredire mon maître et te venir en aide. Ouais. Tu vois, moi aussi j'ai dissimulé ma connaissance, je suis aussi coupable que toi, mon chat. Un jour, j'ai demandé à mon maître s'il pensait que ses jeunes disciples se masturbaient. Certainement pas. Gaspiller la semence de vie, c'est une abomination. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, quand j'ai envie de baiser, je baise. Mais comme tes disciples sont censés rester vierges jusqu'au mariage, et que leurs testicules se remplissent quand même quotidiennement, je me demande comment ils font. Ils ne font pas. Ils ne sont pas comme toi, ce ne sont pas des animaux. Ce sont de bons juifs. Ouais, laisse-moi rire. Il faut que tu comprennes une chose. Les humains peuvent transformer leur pulsion sexuelle en une énergie qu'ils utilisent pour s'instruire, pour élever leur âme. Ouais. Moi, je crois que certains jours, ils doivent tout de même se branler. Mais j'ose pas le dire à mon maître. Avant, quand j'avais pas la parole, je faisais que des rêves simples. Je poursuivais des petites bêtes. Parfois, je réussissais à les attraper et je les mangeais. Des animaux plus gros me poursuivaient. Et je courais à toute vitesse pour leur échapper. Enfin, je trouvais refuge dans les bras de ma maîtresse. Elle me prodiguait 1000 caresses pour me réconforter de ces mignardises dont les femmes ont le secret. C'était des rêves de petit chat. Depuis que j'ai la parole, tout cela a changé. Maintenant, je fais des cauchemars. Je rêve que ma maîtresse est malade. On peut pas la soigner. Un jour, je ne la vois plus. On me dit qu'elle est partie en voyage. Je passe des années de rêve à dire à tout le monde qu'elle pense à moi et qu'elle va revenir. Je me demande bien ce qu'elle me ramènera comme cadeau. Chat, il faut que tu saches la vérité. Zlabia est morte. Oui, depuis que j'ai la parole, je rêve souvent que Zlabia est morte. Et que le rabbin se retrouve seul avec moi. Et il rejette la religion. À quoi bon tout cela? Je ne veux plus d'un dieu qui m'a pris ma fille unique. Il n'y croit plus. Alors moi, qui n'y ai jamais cru, je dois faire semblant d'y croire. Pour lui remonter le moral. Il faut croire en un dieu d'adulte. Un dieu qui se voile la face et qui nous interpelle par le vide. Par son absence, il s'agit de déceler dans le réel la présence en creux de Dieu. Ah, tu as appris beaucoup, mon chat. Mais ne me sers pas ces boniments. Je les connais trop. Oh mon Dieu. Oh, quel rêve, quel cauchemar. Moi aussi. Et racontez quoi, le tien? Peut-être qu'on a fait le même rêve. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui tremblerais-je? Tu sais, je préférais quand tu ne parlais pas. Ben moi aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Zlabia, ma chérie, tout va bien? Papa, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je te rends le chat. Tu as le droit de l'avoir, après tout. Oh, mon grand tout. Il a réussi son examen de bar mitzvah? Cette histoire de bar mitzvah est ridicule. Je veux bien te laisser le chat, mais il ne doit plus t'adresser la parole. Merci, mon petit papa adoré. Alors je fais comme a dit mon maître. Je me conduis comme avant. Comme un vrai chat. Bien. Je sais que tu me comprends. Et que tu peux parler. Tu es un chat extraordinaire. Mais elle sait aussi que je ne lui parlerai plus jamais. C'est la condition si je veux rester avec elle. Et au fond, ça vaut le coup de fermer sa gueule pour être heureux. À suivre. Le chat du rabbin de Johann Svarr. Adaptation Katel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Svarr est publié chez Dargaud. Premier épisode avec Rufus, Jonathan Cohen, Suliane Brahim, Philippe Laudenbach et les voix de François Perrache, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hainaut. Bruitage Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation Marie Placet. Réalisation Cédric Ossire.